Bienvenue au 32e épisode du podcast des Nous. Ce podcast est recommandé uniquement à ceux qui ont le cerveau d'enfant. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man! Aujourd'hui, je vais vous parler de Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 2017. C'est la suite de Blade Runner. C'est très bon. Denis Villeneuve a su se réapproprier ce qui faisait de l'original un grand film, tout en se réappropriant la chose. La faisant sienne, avec sa propre touche et un style plus actuel. Du tout bon, absolument à voir, si vous aimez l'original. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que Monsieur Trump. Même si le premier conserve une place dans mon cœur que le second ne réussira pas à remplacer, je lui donne tout de même une note de 5 sur 5. À la prochaine.